devant ce que je regarde, ce que je vois. Ou que je vole, ou que je m'écrase, ou que je nage, ou que je me noie. Je suis un pote de décideur, soldat de la Sainte Guerre. Je suis un pote de décideur, partant pour la Sainte Guerre. Dans l'atmosphère, aideront la peau de notre terre. Ils ont fait un trou dans l'atmosphère. Légion de la Sainte Guerre. Nous sommes des spots décideurs, partant pour la Sainte Guerre. Capitalisme, nous sommes des spots. Légion de la Sainte Guerre. Nous sommes des spots décideurs, partant pour la Sainte Guerre. Capitaliste. Que je sois.